Spider-Melon, il peut chourave tout terrain. Est-ce qu'il peut manger du cochon? Bien sûr que non, c'est un melon. Prends garde, Spider-Melon est là.